Échec et pâte. La décision, une habitude qui rend l'homme malheureux. Chaque choix, une vague, un chemin sinueux. Les belles m'ont appris à aimer, à sourire, les mauvaises tempêtes m'ont forgé le cœur. Les échecs, des leçons, des miroirs de nos failles, des coups durs, des obstacles, des moments de bataille. Et chaque défaite, une chance de se relever. Dans ce jeu de vie, où on apprend à avancer. Notre âme, voyageuse, doit explorer les océans, les abysses sombres, les mystères à percer, les récifs lumineux, des trésors à embrasser. Chaque marée, une étape nécessaire pour s'élever. La vie, douce mélodie, entre rire et larmes, elle nous guide, et chaque pas, une analogie. Dans ce voyage, on se découvre, on se choisit. Les rivières de nos peines, des courants à franchir, les montagnes de nos joies, des vagues à gravir, chaque chute, une danse, un nouvel avenir. Dans ce livre de vie, on écrit pour s'épanouir. Pour s'épanouir. Les échecs, des leçons, des miroirs de nos failles, des coups durs, des obstacles, des moments de bataille. Et chaque défaite, une chance de se relever. Dans ce jeu de vie, on apprend à avancer. Les saisons de nos cœurs, des marées à comprendre, les printemps de nos âmes, des renaissances tendres. Et chaque hiver, une pause, un temps pour attendre. Dans ce voyage de vie, on apprend à s'étendre. Échecs, des leçons, des miroirs de nos failles, des coups durs, des obstacles, des moments de bataille, et chaque défaite, une chance de se relever. Dans ce jeu de vie, on apprend à avancer. Les chemins de vie, des routes à tracer, des carrefours de nos choix, des destins à embrasser. Chaque croisée, une chance de se surpasser. Dans ce voyage de vie, on apprend à danser. Les échecs, des leçons, des miroirs de nos failles, des coups durs, des obstacles, des moments de bataille. Et chaque défaite, une chance de se relever. Dans ce jeu de vie, on apprend à avancer. les ombres de nos doutes, des voiles à lever, les lumières de nos espoirs, des phares à allumer. Chaque nuit, une étoile, un rêve révélé. Dans ce voyage de vie, on apprend à prier. Les échecs, des leçons, des miroirs de nos failles, des coups durs, des obstacles, des moments de bataille. Et chaque défaite, une chance de se relever. Dans ce jeu de vie, on apprend à avancer. Les pages de nos vies, des chapitres à écrire, les mots de nos cœurs, des poèmes à dire. Et chaque vers, une histoire, un souffle à offrir. Dans ce voyage de vie, on apprend à s'unir.